il est encore trop tôt pour peupler ton corps de gravats, de pluie et de givre. Temporalité d'hiver, fragments du métal des météorites qui recouvrent la mémoire. En un cristal s'élève ton arôme fragile, dont je saisis le noyau immatériel. Mes paumes soulèvent ta peau de lys. Si je grandis, je grandirai en cueillant ta beauté avec la poésie des dernières fleurs qui poussent au bord des volcans marins. Si je grandis, j'irai boire ton alcool de corail et me griser de la collade que le cygne porte aux cieux lorsqu'il s'envole. La chaleur de mon corps est comme une voix qui s'éraille à réclamer ton nom, comme une voix intérieure qui chercherait à sculpter et polir chaque marbre de tous tes visages pour ne pas te perdre. Si je te perdais un jour, j'irais te chercher frémissant, tremblant d'avidité de toi, sur le pont perdu, devant la fontaine enchaînée. Et il n'y aura pas d'horizon que je ne saurais couvrir de mon désir. Il y a un feu primitif que l'on reconnaît dans la quête d'amour, comme dans la chasse au tigre. Il y a le manteau de charbon qui nous recouvre. Un manteau lourd comme du plomb qui nous fait une fois nous arrêter tous les deux au dessin sensuel de nos traits, le bout des doigts chargé de braise, l'éveil d'un maître est comparable à la naissance d'un amour. Le déchaînement de patience est aussi ardent. Le déluge nécessaire de ce qui a été connu fait connaître le même renversement dans le cycle de vie. Tout ce qu'il y a de beau dans l'habitude, c'est tourner ton visage contre le mien. Nous cacher ensemble dans le pli de cette habitude et toucher de nos regards.